Section 80 de La Lecture, tome 2. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous dans LibriVox.org. Lu par Zenobi. La Lecture, tome 2, section 80. Catissou, par Jules Carotti. Chapitre 1. Le brigadier, à cheval sur une chaise de paille, fumait sa pipe devant la gendarmerie de Pierre Buffière. Doucement, la fumée montait, régulière comme une haleine bleue, formait un cercle qui s'élargissait, tremblotait et s'évaporait dans l'air tiède de ce soir de juillet. Martial Tarot en avait vu pas mal de ces cercles de fumée danser ainsi et se dissiper d'eux-mêmes au-dessus des bouches des canons. Maintenant père de famille, avec des galons sur sa manche, il se reposait dans un jardinet limousin et ne demandait rien au monde, pas même de passer maréchal des logis, parce qu'il lui faudrait peut-être aller à Émoutiers, à Saint-Léonard ou à Limoges, et qu'il aimait son petit coin de Pierre Buffière, ces roses qu'il avait greffées lui-même et cette glycine qui courait sur les murs blancs du logis, encadrant de festons le drapeau tricolore en fer blanc pendant au-dessus de la porte. Le brigadier fumait sa pipe, suivant de l'œil au loin des gamins qui, sur un tas de terre, jouaient au piquerum, lançaient comme à la cible de longs clous de fer dans la butte et leur criaient parfois « Et là-bas, moucheron, prenez garde de vous percer les pieds !» Puis il se retournait, jetant par-dessus son épaule à travers la fenêtre ouverte un coup d'œil à une femme, jeune encore, brune et jolie, qui allait et venait dans la cuisine où les casseroles luisaient comme de l'or rouge. Il lui souriait et disait entre deux bouffées de tabac « Sont-ils enragés, ces petits drôles ?» La femme alors, bras nus, de beaux bras blancs à demi couverts d'une pâte de farine, s'avançait sur l'appui de la fenêtre, penchait du côté des gamins sa figure énergique et gaie que le feu du fourneau rendait toute rose, et regardant à son tour les enfants qui lançaient à la volée leurs bouts de fer, « Bah, y a pas de danger, et puis ça les rend adroits et braves !»« Et ça leur donnera de l'appétit pour ton clafoutis, Catissou !» Le clafoutis, plat limousin, aussi massif que l'épaisse soupe au chou du pays, cuisait déjà dans le four, avec des cerises noires encastrées dans la farine déliée d'eau, comme des briques dans du plâtre. « Va-t-il bien, le clafoutis ?» demanda encore le brigadier. Et Catissou haussa les épaules, comme pour répondre à son homme, « Est-ce que ta ménagère a l'habitude de manquer ses pâtisseries ? Es-tu bête ?» Fin de la section 80.